Si moi t'es capable la clé, t'es moins oublié, ouais. Pour que comprendre, qu'est-ce que vous m'enlez depuis le premier jour. Ou pas t'es même ça, quelle est ou t'es parti, en nom t'es à l'épris en l'air. Oui, oui, maman. Well done.